J'ai mis mon amour dans ma poche, à moins que ce ne soit l'inverse. La bonne chaleur de ses hanches et sa peau qui me caresse. Et je passe mes nuits sur le cuir de mes draps. Parfois je rêve d'une couture qui casse. Je tombe à terre et je reste là jusqu'à ce qu'un passant me ramasse. Et j'ai mis mon amour dans ma poche, à moins que ce ne soit l'inverse. Sale mais sans odeur, je n'ai qu'une frayeur qu'on me mette dans un livre. L'histoire n'a pas de cœur. Maintenant j'ai perdu la tête, je prends la tête d'une autre, j'ai le corps en forme de galette. Oh, elle en aimera une autre. Alors que j'avais si froid, elle m'a prise dans sa main. J'ai pu toucher ses doigts, elle m'a gardé jusqu'au matin. Je voulais être son porte-bonheur à la dictature de ses gestes. Abandonner ma république et qu'elle me fasse tourner la tête. Face, je t'aime pile, je me casse le nez sur la tranche, je ne sais jamais de quel côté tomber. Tu voulais garder ma liberté, je voulais être ton égal et transformer notre fraternité en liaison conjugale. Maintenant j'ai perdu la tête, je prends la tête d'une autre, j'ai le corps en forme de galette. Oh, elle en aimera une autre. Maintenant j'ai perdu la tête. Souvent au fond une maladresse. Elle m'a abandonné pour un malabar, une banale histoire de fesses. Les histoires de fric finissent mal. Souvent au fond d'un tiroir caisse, je me surprends encore à avoir mal. Une banale histoire de pièces. Je m'éprendrai sûrement d'une autre, jusqu'à ce qu'à son tour encore elle me délaisse et me laisse le cœur en pièces, le cœur en pièces, le corps en pièces, le corps en pièces, le cœur en pièces. La tête, je prends la tête d'une autre, j'ai le corps en forme de galette. Oh, elle en aimera une autre. Maintenant j'ai perdu la tête, je prends la tête d'une autre, j'ai le corps.